Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Michel Berger, tout pour la musique. Vous savez, le problème d'être un classique et de rester à la postérité, je crois que c'est plus un problème actuel. N'y pensez jamais, ou vous dites jamais, est-ce que dans 100 ans on jouera Starmania? Moi je crois que ce qui est important, c'est de faire ce qu'on pense être la musique de son époque, c'est ça qui est important. Et puis en plus, la postérité, il y a un truc terrible, c'est qu'on n'en profite pas. Michel Berger, à l'émission de Didier Lecas, l'invité du jeudi en janvier 1980. La musique de Michel Berger lui aura finalement survécu. Mort prématurément à l'âge de 44 ans, Michel Berger a marqué la musique de son époque et il nous a laissé quelques très grandes chansons, du genre de celles qui savent traverser le temps. Y'a comme un goût amer en nous. Michel Berger sera inhumé jeudi dans l'intimité au cimetière de Montmartre à Paris. Je me suis sentie investie d'une force. Il fallait de toute façon. Moi, la seule chose qui m'importait, c'était comment gérer le chagrin de mes enfants. Comment faire en sorte qu'ils retrouvent une joie de vivre et qu'ils trouvent à nouveau la vie belle. Et c'était uniquement ça qu'il y avait dans ma tête. C'est abominable d'avoir à annoncer à ses enfants que leur père est mort. Mais en même temps, personne d'autre ne peut leur dire. Ils ne pourraient l'accepter de personne d'autre. C'est dans le silence d'un cimetière de Montmartre presque vide que France Gall, Raphaël et Pauline ont accompagné Michel Berger. Entourés seulement, comme ils l'avaient souhaité, de leur famille et d'une poignée d'amis fidèles. Dehors, ils sont plus d'un millier à attendre le moment d'entrer pour jeter à leur tour, qui une rose, qui quelques prières, à l'un de ceux qui avaient vraiment su les toucher. C'est une musique qui m'enveloppe complètement, C'est quelqu'un dont les textes me touchaient particulièrement, oui. Il disait dans ses chansons, toutes celles qu'il a écrites, ce que je pense à peu près de la vie. France Gall, au moment de la mort de son compagnon Michel Berger au mois d'août 1992, vous entendiez aussi dans cet extrait la chanson « Évidemment », interprétée par France Gall, une chanson écrite par Michel Berger à la suite du décès de son ami Daniel Balavoine, lui aussi mort prématurément. Pour nous faire revivre la courte mais brillante carrière de Michel Berger, j'accueille la journaliste culturelle, amie de l'émission, Marie-Christine Blais. Marie-Christine Blais, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle place il occupe, Michel Berger, au firmament de ces grandes étoiles de la chanson française? Il en a quand même écrit plus de 300, hein, des chansons, l'air de rien. Et c'est un véritable Pygmalion. C'est-à-dire que grâce à lui, qui se trouve à être un des tout premiers véritables directeurs artistiques, véritables réalisateurs au sens américain du terme, ouais. Ce qui n'existait pas en France à l'époque. Grâce à lui, donc, il y a des artistes qui vont littéralement revivre de leur centre. Que ce soit France Gall, que ce soit Françoise Hardy, avec message personnel. Qui va aller le chercher. Carrément. D'ailleurs, plusieurs personnes vont faire appel à lui. Johnny Hallyday va comme ça aussi renaître un peu de l'oubli où il végète un petit peu et surtout retrouver une grande crédibilité parce que Michel Berger est quelqu'un qui écrit bien, qui est très exigeant, ouais. Qui a une véritable classe, qui est un érudit, qui est quelqu'un qui vient de la grande bourgeoisie, né d'un père qui est un grand chirurgien, Jean Burger, qui est le premier à avoir fait une greffe du rein. En France, et d'une mère soliste qui est vraiment Annette Haas, qui est donc une pianiste récitaliste de grand talent. Et il apprend bien sûr le piano ainsi que ses frères, son frère et sa sœur. Et ils vont donc avoir une véritable connaissance de la musique. Oui. Et il se tourne vers la pop. Donc, ça permet à la pop d'avoir ses lettres de noblesse, en quelque sorte. Mais c'est beaucoup l'homme derrière. Il aura, oui. Il sera l'homme derrière plein de chanteuses et de chanteurs, mais surtout des chanteuses. France Gall, évidemment, Véronique Sanson, on y vient dans un instant. Mais il aura aussi une carrière solo, toujours oui. En parallèle. Mais c'est vraiment comme ce réalisateur, ce producteur, l'homme derrière qu'il va s'illustrer. Oui, et ça lui fait de la peine. D'ailleurs, tout le long de sa carrière, il aura souhaité être plus en avant. Il oui. Le sera un peu, mais jamais autant que ses égéries, que les femmes pour qui il écrit, une des premières pour qui il écrit, elle s'appelle Patricia, et la chanson « Quand on est malheureux » est un grand, grand succès en France, même si on ne la connaît pas beaucoup. C'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'indicatifs d'émissions, mm-hmm. des pubs, des choses comme ça, qui va écrire pour Bourville, qui va écrire pour Montand, et qui donc a ses propres 45 tours. Il est tout jeune quand il commence, le 16-17 ans, et en France, tout ça le monde écrit. Au début de sa carrière, il y a comme un petit succès. Un petit succès, mais enfin, ils sont nombreux à avoir des petits succès, et ça... Le fait qu'il soit aussi poli, aussi bien de sa personne, comme je dis, il est classe, oui. Dans le milieu du rock'n'roll, ça marche plus ou moins. Alors, c'est sûr que quand il rencontre, par exemple, Véronique Sanson, là, c'est vraiment... Ils se connaissent d'ailleurs dès l'enfance, et tous les deux vont se nourrir mutuellement. Oui. Et ça va devenir vraiment... C'est sa première porte, frère, le grand, grand succès, c'est Véronique Sanson. Oui, on s'est revus, mais on n'en a pas parlé parce que je crois que c'était horriblement difficile pour lui et horriblement difficile pour moi aussi, qui avait tout ce poids de cette culpabilité, de cette lâcheté même. Mais c'était trop lourd. Donc on a parlé d'autres choses totalement et on a re-ri et retrouver, mais il m'a jamais dit mais pourquoi non, c'est pas son genre d'abord. Il n'a pas cherché à comprendre. Et ben, je pense qu'il avait compris, mais ouais, c'est une histoire terrible, ça. Qui vous pèse encore? Un peu, oui, un peu moins, mais ça m'a dévasté, vraiment, terriblement. Il lui a fait tant de mal. Oui, et puis en plus, de l'avoir fait de la manière dont je l'ai fait aussi. Véronique Sanson à l'émission Thé au café en mai 2017. En 1972, Michel Berger produit l'album de Véronique Sanson Amoureuse, dont on vient d'entendre la chanson Besoin de personne. Ça va être un énorme succès, Marie-Christine Blais. Ils vont faire deux disques ensemble. Il est amoureux fou de Véronique Sanson, Michel Berger. Que dire de cette relation-là? Que c'est une relation assez difficile. En fait, ce à quoi Véronique Sanson fait référence, c'est qu'un jour... Alors, il y a deux histoires, là, deux anecdotes possibles. Un jour, elle lui dit, écoute, je vais aller acheter des cigarettes. Et elle n'est jamais revenue parce qu'elle a rencontré Stephen Stills du groupe Crosby, Stills, Nash & Young et qu'elle est partie avec lui. L'autre version, c'est que Stills était incaractériel et qu'il l'a menacé, en fait, de la tuer si elle ne venait pas avec lui. Donc, qu'en est-il exactement? Quoi qu'il en soit, du jour au lendemain... Ce qui ne change pas, c'est qu'elle part. Elle part, mais vraiment, là... Ouais. Sans dire quoi que ce soit. Or, Michel Berger souffre déjà d'un terrible abandon quand il avait 6-7 ans. Son père, et encore aujourd'hui c'est un mystère, a quitté la famille du jour au lendemain et n'a à peu près jamais plus donné de nouvelles, ou très, très peu. Alors, il revit un abandon terrible et en fait, il fera une dépression. Enfin, ça va vraiment pas bien, ses affaires, après ça, c'est clair. Et il va travailler avec différentes personnes, mais bon, c'est jamais... Françoise Hardy, on en parlait tout à l'heure, message personnel. D'ailleurs, c'est lui qui lui demande, en très grand directeur artistique, de composer les premiers mots qui sont dits par Françoise Hardy. Il va diriger, il va réaliser son album « Message personnel ». Mais bon, ça va pas très, très, très bien, ses affaires. Et puis bon, il rencontre France Gall. France Gall qui, à l'époque, justement, a une carrière en chute libre. Mm-hmm. Après les grands succès avec Gainsbourg, plus personne ne veut entendre la petite fille yéyé. Et elle lui demande « Aide-moi ». Il veut plus ou moins, pas convaincu. Il trouve qu'elle est, bluette, une chanson pour midinette. N'empêche, tombe amoureux d'elle. Ben voilà. Elle tombe amoureuse de lui. Puis il lui fait un magnifique cadeau. Qui devait en principe chanter lui-même. Mais France exige de chanter la déclaration d'amour. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration. Ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer, que tu es là tout près de moi, je peux m'imaginer tout bas une déclaration. Ma déclaration. Juste de. Donc, c'est en 1974 que Michel Berger fait ce magnifique cadeau à France Gall. Par amour pour elle, il renonce à chanter cette chanson, La déclaration d'amour. Puis déjà, le texte, La déclaration d'amour, c'est tout dire. Et c'est le début d'une longue relation entre tous les deux, professionnelle et amoureuse. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, elle va lui exiger d'ailleurs d'autres de ses chansons. Diego Libre dans sa tête, qui est une des plus belles chansons de Michel Berger. En principe, il l'écrit pour lui. Elle dit non, je veux la chanter la première. Et elle est gourmande. Ils ont vraiment un rapport très riche. Oui. Il est exigeant, il sait très très bien ce qu'il veut, mais il est très réservé. Et elle est spontanée, c'est une fille de party, elle aime sortir avec les amis. Et donc, c'est vraiment les deux contraires qui s'attirent, ouais, et qui se complètent, ouais, parfaitement. Et ils vont donc rapidement, non seulement marier leur voix, marier leur composition, mais se marier et avoir des enfants. Et ils vont aussi collaborer de différentes façons. Par exemple, Starmania naît de la volonté de Michel Berger de faire une comédie musicale alentour de Patricia Hearst, l'héritière, ouais, qui avait été enlevée par un groupe terroriste. Et c'est France Gall qui va lui parler d'abord de Diane Dufresne, qu'elle adore, et de Luc Plamondon. Ouais. Donc, une équipe, vraiment. Vraiment, un tandem. Puis il y aura plein de disques, là, aussi. Une succession de succès. De succès les uns après les autres. Vraiment, ça marche d'enfer, que ce soit musique, résiste, des branches. Enfin, il y a une kyrielle de chansons qui vont marcher et qui vont devenir, en quelque sorte, la bande sonore de la France aussi, ouais, dans ces années-là, fin des années 70, début des années 80. Un opéra, pour moi, c'est pas quelque chose de sacré et de figé. Et je veux dire que c'est pas. Il y a une espèce d'aura autour des mots symphonie, opéra, tous les mots qui ont été utilisés pour la musique classique, que je trouve hors de proportion. Concerto, on m'a dit que vous aviez fait un concerto. Oui. Enfin, c'est un morceau de musique de 2 heures. Ça, je crois que c'était assez original, le fait de que tout soit chanté. Et là, évidemment, on se rapproche un petit peu du principe de l'opéra, c'est-à-dire que c'était 2 heures entièrement chantées. Ouais. Ceci dit, c'est vrai qu'aussi, il y avait des interprètes qui étaient assez lyriques, parce que Fabienne Thibault ou Diane Dufresne sont des gens qui ont une capacité vocale. Mais c'est aussi du rock, et je crois que la rock musique, c'est la musique de notre époque, et c'est là où je crois que c'est pas la même chose du tout qu'un opéra classique, évidemment. Michel Berger, à l'émission L'Invité du jeudi en janvier 1980. C'est donc à la fin des années 1970, Marie-Christine Blais, que Michel Berger se lance, à la suggestion de France Gall, avec Luc Plamondon, dans l'aventure de Starmania. C'est important pour lui. Ah, c'est plus qu'important. D'abord, c'est une vraie comédie musicale. C'est un fan de musique américaine, Michel Berger. Il va à New York, il va voir des comédies musicales. Il rêve d'en faire une qui marche. Et celle-là marche très, très bien. Il a besoin, par contre, d'un parolier plus violent dans le propos, ouais, que lui n'est capable de l'être. Et c'est pour ça qu'il fait appel à Luc Plamondon, qui avait sorti, qui avait écrit les textes de Diane Dufresne, notamment sur « Là, je me sens bien », où il est question de catastrophe écologique, de fin du monde. Ouais. C'est ça qu'il cherche. Et de fait, cette œuvre-là, qui va entrer dans notre inconscient, on peut tous chanter ces chansons-là, quel que soit notre âge, encore aujourd'hui, parle de sujets d'une actualité folle aujourd'hui. Et donc, il va vraiment marquer, je crois, l'histoire à ce moment-là, les chansons de Starmania, elles, vont sans doute survivre à bien des choses, peut-être même au genre humain, qui sait, là. Mais c'est certainement une aventure extrêmement riche, avec qui, d'ailleurs, il va continuer à travailler avec Plamondon, il va faire La Légende de Jimmy, oui, un peu plus tard, mais qui n'aura jamais le succès de Starmania. Et c'est peut-être pour nous, en tout cas, vu d'ici, l'œuvre, c'est peut-être ce qu'on connaît le plus de, oui, Michel Berger. Avec raison, oui, avec raison, parce que ça reste une œuvre si bien écrite qu'on peut d'ailleurs en changer la couleur. On peut le faire symphonique, on peut, oui, le faire pop, on peut le faire reggae, si on veut, et ça marche, Starmania. Elle passe ses nuits sans dormir, gâcher son bel avenir, la copie du canif. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du canif. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit. Entre ses draps roses, elle passe sa vie à l'attendre. C'est en 1980 que Michel Berger voit enfin, comme interprète Marie-Christine Blais, l'une de ses chansons, celle qu'on vient d'entendre, La, oui, groupie du pianiste, devenir un grand succès. Tout à fait. Un succès très, très populaire. Et il est en quelque sorte lancé comme auteur, compositeur, interprète. Enfin! Il est reconnu. Bon, des fois, il veut être rock'n'roll, et ça, non, ça sert à rien, c'est pas un rocker, mais quand il fait ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire de la pop, avec un instinct dans les arrangements très anglo-saxons, très efficaces, c'est un ami d'Elton John, hein, et moi, je trouve qu'on entend, ouais, tellement dans la musique ce côté très rebondissant, ouais, de la musique, de ce type de musique-là. Donc, il devient enfin plus connu, et il va faire une kyrielle. Dès le début de sa carrière, il fait des chansons sur la musique. Sa première chanson, ça s'appelle « Écoute la musique, quelle constellation fantastique ». Après ça, il va faire « Mon fils rira du rock'n'roll », « Musique, tout pour la musique », »,« La groupie du pianiste », »,« Elle-là » pour Ella Fitzgerald, « Ce que la pop musique a fait d'une petite fille », »,« Sambo Mambo ». Écoute, il en fait. Il fait même, il jouait du piano debout pour Jerry Lee Lewis, justement, qui est un des grands succès de France Gall. Bref, il est lancé. Ouais. Et dans les années 80, de fait, il continue à travailler sur ses propres projets. En plus, évidemment, toujours de travailler avec France Gall, qui enchaîne, elle, succès après succès. Ah, c'est les grandes années France Gall. Ouais. C'est le début des années 80 jusqu'en 85. C'est incroyable. Ouais. Elle vend des millions d'albums. Elle fait des tournées méga, méga grosses et tout. Et c'est souvent Michel Berger qui est en quelque sorte le directeur artistique. C'est lui qui l'a fait remonter sur scène en 78, parce qu'elle veut pas remonter. Ouais. Et pour le milieu des années 80, arrive cette grande chanson. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee. Cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. Michel Berger et Johnny Hallyday chantant en duo la chanson « Quelque chose de Tennessee » à l'émission Champs-Élysées en 1985. C'est extraordinaire, cette chanson-là, oui, avec Christine Blais. Comment ils en viennent à travailler ensemble? C'est peu fréquent que Berger travaille avec des chanteurs, oui, hommes. Oui, c'est vrai que c'est assez rare. Et en fait, il se trouve qu'ils sont amis, lui et France Gall, avec Nathalie Baye, qui à l'époque comédienne, donc qui sort, qui est la conjointe de Johnny Hallyday, qui lui cherche justement à revenir de l'avant et avoir une certaine crédibilité. Or, il se trouve qu'il a lu La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams. J'ai beaucoup aimé ça. Il en parle à Michel Berger lors d'un souper. Et Michel Berger écrit cette incroyable chanson. D'ailleurs, quand il parle, Michel Berger, dans certaines de ses chansons, d'artiste, de Cézanne, sa chanson Cézanne peint, est considérée même par les plus snobs des critiques comme une très, très belle chanson parce qu'il parle de Cézanne. Ouais. Et donc, cette chanson remet sur les rails Johnny Hallyday. C'est une super sublime chanson, une mélodie incroyable. Bon, ce qui est très drôle, c'est que quelques personnes chantent quelque chose du Tennessee. Mais c'est bien de Tennessee Williams dont il est question. Ouais. Et puis j'entendais, on ne peut pas tout diffuser dans cette émission, non. Mais en préparant l'émission, j'entendais Johnny Hallyday en entrevue dire que cette période durant laquelle il travaille avec Michel Berger... Qui réalise tout l'album. C'est une des plus belles périodes de sa carrière. C'est même lui qui invente l'expression « rock'n'roll attitude ». C'est le titre de l'album, mais c'est Michel Berger le premier qui a cette idée de mettre le mot rock'n'roll et attitude ensemble. Et c'est lui aussi qui va faire « Donner pour donner » avec Elton John. Enfin, ouais. Il a quelques hommes avec qui il travaille, mais quand il travaille avec eux, qu'est-ce que ça marche? Hein? Et pour terminer cette émission, on retrouve donc Michel Berger et France Gall, fin des années 80. Il y a encore donc quelques autres albums, quelques projets de l'un et l'autre, de l'un avec l'autre, mais surtout un disque en 92, à la toute fin, un disque avec France Gall, le disque Double Jeu, où on retrouve les deux, Michel Berger et France Gall. Oui, c'est étrangement le disque, on ne le sait pas à l'époque, qui est en train de se vivre alors qu'ils sont en séparation. Il y a eu plein de coups durs. La décennie 80 est à la fois terrible et merveilleuse pour le couple Berger-Gall. Ils ont du succès comme jamais, mais le frère de Michel Berger meurt de sclérose en plaques. Leur fille Pauline meurt de fibrose kystique. Leur ami Daniel Balavoine meurt prématurément. Et France Gall, en 88, décide qu'elle veut se consacrer à sa fille. Ouais. Donc, elle arrête complètement sa carrière au grand dam de Michel Berger, qui perd sa muse. Bref, c'est une mauvaise période. Et de plus en plus aussi, France Gall veut être la réalisatrice ou la co-réalisatrice de ce qu'elle fait. Donc, Double Jeu est enregistré à deux, mais ça va devenir un simple jeu parce que, justement, Michel Berger, quelques mois après la mort de son père, dont il a tant souffert, meurt subitement à 44 ans d'une crise cardiaque. Et c'est la fin d'une grande aventure musicale. Merci de nous l'avoir fait revivre. Marie-Christine Blais, journaliste culturelle, amie de l'émission. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Donne pour donner. La seule façon d'aimer, donner pour donner, c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon d'aimer. Pas la peine de vivre enfermé, c'est pas la peine. Pas la peine de rester couché. Non, c'est pas la peine. J'ai dedans sans rien demander. La vie c'est déjà si compliquée.